L'important pour bien commencer la journée, ce n'est pas de se lever du bon pied, mais c'est d'oublier la journée qui nous attend. Mickaël à la radio. Détendez-vous. Vous êtes sur un nuage de 6h à 9h30 sur Fun Radio. On a Naïma avec nous pour le Free Code Game. Bonjour Naïma. Bonjour. Bonjour, bonjour. Comment vas-tu ? Pas bien, merci. J'ai envie de te dire tant mieux alors. Hein, sois la bienvenue Naïma. On va jouer au Free Code Game maintenant. Est-ce que tu connais le principe du Free Code Game ? Oui, je connais. Parfait. Alors c'est magnifique. Une fidèle auditrice, ça fait plaisir. Et en plus, bah, on va quand même le rappeler pour les nouveaux auditeurs. Le Free Code Game, c'est ça. Le Free Code Game. Voilà, le Free Code Game, c'est ça. Et le Free Code Game, c'est tous les jours à 8h20. Free Code Game, c'est 4 séries de questions, Naïma. 4 séries de questions, oui. Tu dois m'en choisir une. Alors, il y a petit paquet, grand paquet, durum ou mitraillette. À savoir que ça va évidemment des questions les plus compliquées, des questions les plus simples aux questions les plus compliquées, et des plus petits cadeaux aux grands cadeaux. À titre d'exemple, petit paquet, c'est par exemple une compil Fun Radio. Grand paquet, c'est des places de ciné. Durum, c'est un iPod, ou alors la mitraillette. Hein. À ce moment-là, c'est bien sûr la tablette ou le smartphone. Qu'est-ce que tu choisis, Naïma ? Je t'écoute. On va essayer la mitraillette. Hein. On va essayer la mitraillette. Tu es gourmande, Naïma ? Ah, ben oui, pas trop bien. Mais oui, tu es gourmande, très gourmande même. Bon, allez, on va y aller. Alors, c'est parti, Naïma, attention. 5 questions, comme d'habitude, en fait. Hein. 5 questions, si tu fais 3 sur 5 minimum, c'est gagné, d'accord ? Ok. Allez, c'est parti, on y va, je te souhaite bonne chance. Comment s'appelle la pierre capable de changer le plomb en or ? Ouh, c'est dur. Alors, là. Oh là là, c'est dur. Ah, ben t'es gourmande, hein. La pierre blanche. La pierre blanche. C'était presque ça, la pierre philosophale. Ah, ouais. Pourquoi pas. Bah oui, c'est sympa aussi. Hein. J'en veux bien une. Hein. Oui, c'est ça. Ah oui, je l'avais appris avec plaisir. Mais ils l'ont toujours pas trouvé. Bah, c'est dommage. Qui habite au 10 Downing Street ? Bill Clinton, je sais pas. Bill Clinton. Non, le premier ministre anglais. Quelle est la langue officielle du Niger ? Le nigérien. Le nigérien. Le français, hein, il fallait pas chercher très loin pourtant. Qui a écrit la trilogie du Seigneur des Anneaux ? Tolkien. Bonne réponse. Et enfin, dans quel pays ont été inventées les pâtes ? L'Italie. Mais oui, c'était prévisible, mais non, c'était en Chine, malheureusement. Eh bien, j'ai envie de te souhaiter une bonne journée, Naïma. Merci d'être venue. 1 hein. sur 5. Tu n'as pas été mauvaise, tu as été très mauvaise. 1 sur 5. Oh là là là là là. D'ailleurs, je trouve que tu nous devrais un cadeau. Oui, limite. Limite, tu non, effectivement. Non, je dirais plutôt le contraire, parce que le temps qu'il faut pour vous avoir. Oh, dis donc, regarde, t'as envoyé ton message, tac, on t'a rappelé direct quasiment là. Ah bah oui, pour une fois, c'est vrai, je peux t'as pas vu, hein. Ah, tu vois. Bon, Naïma, je te souhaite quand même une bonne journée. Je te fais des gros bisous et tu reviens quand tu veux sur Fun. C'est gentil à vous. Je t'embrasse, à bientôt. Au revoir. Salut, ciao. Bon. Mickaël à la radio. Le replay. Tous les matins. Morning show. Réveillez-vous avec Mickaël. Bien dormi ? Pour ça, il aurait fallu que tu ne ronfles pas toute la nuit. Mickaël à la radio. Tous les matins, 6h-9h30 sur Fun Radio. Fun Radio. Et nous avons Magali avec nous de Châtelet. Bonjour Magali. Bonjour. Comment vas-tu, Magali ? Ça va très bien et vous ? Bah oui, ça va bien, ça va bien. Tiens, avant de jouer Magali, il y a un message qui vient d'arriver. Je ne veux pas jouer au jeu, juste une dédicace à Alban, mon gros lard que j'aime trop. Et ah bah bonne journée. Ah bah ça... Eh bien mon gros lard, hein, hein ? Bonne journée mon gros lard. Ça va mon gros ? Sympa, ah ouais, hein, entre eux, ouais. Ah c'est beau l'amour. Ah ouais, grave. Mais oui. Ah ma grosse. Ça, tu vas te désincarcérer du lit là. On est bien là. N'importe quoi. Bon Magali, alors on va jouer au ni oui ni non ni vous verrez bien. Tu vas tenter de repartir avec un iPod ou un jeu FIFA 13, j'imagine. Que tu prends l'iPod si tu gagnes ? Oui. Bah oui, j'imagine. Hein. Bon, alors attention Magali, on va jouer. Le principe est simple, il ne faut pas dire oui, il ne faut pas dire non, il ne faut pas dire ça. Ça. D'accord ? D'accord. Bon, très bien. Une minute maximum, sinon vous avez perdu toutes les deux, d'accord ? Oui. Donc tu ne dois pas dire ces mots-là, mais en revanche tu dois tout faire pour les lui faire dire. Donc il faut aussi poser des questions. Parce que si tu ne fais que répondre, elle ne donnera jamais un mot mauvais volontairement, d'accord ? Oui, d'accord. Non, enfin si, parfois oui, parce qu'elle est un peu mongolienne, mais sinon, normalement non. Bon, alors ni oui, ni non, ni ça, une minute, c'est parti Magali, je te souhaite bonne chance, go ! Merci. Magali ? C'est moi. Ça va ? Hop là ! Quelle est mauvaise. Heureusement, je dis, faut poser des questions parce que sinon elle ne va jamais dire volontairement un mot mauvais. Elle dit, ça, et hop là, bien ça a pas failli. Joué, bon, ben Magali, bah, bravo, hein, l'iPod est pour toi. Hein. T'as pas fait grand chose, mais c'est gagné quand même. Merci. Hein. Et bah, tu peux remercier Aline et sa mongolitude. Ah oui, merci Aline. Voilà, merci Aline et ta mongolitude. Non. Vas-y. Non, je prends pas tes coordonnées. Vas-y. Non, vas-y. Est-ce que je pourrais faire une petite dédicace? Seulement si tu dis merci Aline et ta mongolitude. Merci Aline et ta mongolitude. Parfait. Ouais, bravo. Voilà. Alors maintenant, vas-y, Magali. Bon, je voudrais dire bonjour à tout Pierre Paulus de Châtelet et surtout à ma meilleure amie Ilaïda. D'accord, et bien trop cool. Le message est passé, il n'y a pas de problème, Magali. Je te fais des gros bisous. Oui, bisous aussi. Allez, à bientôt. Ciao à toi, bye bye. Mickaël à la radio. Le replay. Mickaël à la radio, le réveil le plus sympa de la bande FM. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Si vous trouvez plus sympa ailleurs, Fun Radio vous rembourse deux fois la différence. Question existentielle ce matin, à base de quoi? Je ne sais plus. Bah voilà, bravo. Non, merci. Si, à base de concours de circonstances. D'accord, ok, très bien. Voilà. Non, en général, on fait ça quand on est à la radio en disant mais si, c'est bon, parce que en l'entendant pendant le on s'est rappelé. Voilà. Non, mais ça arrive après, hein, ça arrive. Comme ça, vous savez, si vous tentez d'autres animateurs qui font et puis après, ils trouvent, c'est qu'ils savaient pas au moment même. Bon, donc à base de concours de circonstances. Ouais, donc en fait, je me suis demandé ce qu'on pouvait gagner dans un concours de circonstances. Que dans un concours de chant comme la Starac, par exemple, on gagne 1 million. Quand tu fais Secret Story, bah tu gagnes 150 000. Alors je me demandais ce qu'on gagnait dans un concours de circonstances. D'accord. Bon, écoute, ce que je propose, c'est qu'on appelle à Morage pour se renseigner. Mais évidemment. Renseignons-nous. Bah, c'est parti. On va appeler à Morage maintenant pour voir un peu ce qu'ils en pensent. S'ils ont une réponse peut-être à vous donner, c'est parti. C'est parti. On appelle à Morage. Allô? Oui, bonjour madame. Oui. Oui, voilà, en fait, je vous appelais, j'avais une petite question à vous poser. Vous foutez de ma gueule? Pas du tout, j'oserais pas madame. Merci, vous m'appelez? Oui madame, enfin pourquoi ce serait pas normal? Non, parce que c'est pas normal, ça va? Il y a des gens qui dorment, il y a des enfants ici qui dorment encore, ok? Oui. Alors si vous êtes réveillé, nous on n'est pas réveillé ici, ça va? Ah oui, oui, j'ai bien. Appelez ailleurs, merci bien, au revoir. Oui, mais vous avez pas répondu à ma question encore. Ouais, mais c'est pas le plus important, il faudrait qu'elle joue au Bechra Game. Hein. Ah ouais, non, là je pense qu'il y a des gens. Il y a des gens qui dorment, je pense que là on est pas mal. Bon, on la rappelle. Des gens qui dorment. Allô? Oui, je m'excuse, mais vous avez raccroché, vous avez pas répondu. Et en plus, tu as assez de tes enfants de putain. Écoute-moi bien, essaye même plus d'appeler, t'as compris? Tu te putes. Et ça, c'est les gars. Et on va la garder, hein. Quelle sympathie. Ah bah oui, ouais, oui, le taquet. On va la rappeler encore un coup, hein. Oui. On va nous a chauffé, donc. Allez, hop, c'est parti. On va quand même avoir un petit peu de respect. Allô? Oui, excusez-moi, mais pourquoi autant de vulgarité? Mais je viens de décrocher certainement mon fictionnaire. Ah oui, voilà, c'est ça, oui, c'est votre fille qui était un petit peu. Que bon, il faudrait quand. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est ça, oui. Non, mais je veux dire, pas qu'on voit que la voix, c'est un jeune. Quoi. Mais oui. Et en fait. Problème. Non, pas du tout, je vous appelais parce que j'avais une petite question à vous poser. Ouais. Voilà, en fait, je me demandais si vous saviez ce qu'on peut gagner à un concours de circonstances. Tu vas pas à l'école, toi, non? Non, pas. Tu vas pas à l'école. Non, j'ai arrêté. Ah, ouais, donc ne téléphone plus ici, ça va? D'accord. Très gentil, tape par au revoir. Bon, elle était plus chiante, mais elle était plus gentille. Bon, ouais, voilà. Tu sens la maturité. Ouais. Et puis c'est sympa qu'elle croit que je vais encore à l'école. Oui, voilà. Ça. Ça m'a rajeuni. Exactement. Ça m'a fait plaisir. Exactement. Mickaël à la radio. Le replay. Tous les matins. Morning show. Réveillez-vous avec Mickaël. Alors, heureuse? Mickaël à la radio, tous les matins 6h-9h30 sur Fun Radio. Fun Radio. Alors, donc ce matin, comme je le disais, j'ai un bon plan pour les mecs qui cherchent un job étudiant bien payé. Oui, je suis désolé les filles, ça marche pas pour vous, je suis vraiment confus. Bah oui, je suis vraiment désolé. Bon, il faut savoir qu'il y a quand même quelques contraintes. Mais il faut manger équilibré, pas d'alcool, pas de tabac. Allez, donc manger équilibré, pas d'alcool, pas de tabac. Bon, c'est compliqué dur, hein, déjà, mais enfin bon, ça devrait quand même aller. Alors au niveau du bain aussi, il faut respecter certaines choses. Hein. Pas de bain au-dessus de 37 degrés. Ah oui, bah pas de bain au-dessus de 37 degrés. Alors vous vous demandez évidemment combien on peut gagner avec ce travail. Et c'est plutôt bien payé. Hein. Et puis à chaque fois que vous empochez 40 euros, il y a pas mal d'étudiants qui font ça. C'est pas mal, mais à votre avis, quel est le travail justement? Non, 40 euros, moi j'y vais direct. Hein, 40 euros, étudiant, merde. 40 euros pour un petit travail comme ça où il n'y a pas grand-chose à faire dans l'absolu. Hein. Vous avez une idée ce que ça peut être? Non, pas. Non, et ben justement, voilà. Donneur de sperme au Danemark, c'est un job étudiant, ça rapporte. Eh oui, donneur de sperme au Danemark, hein, 40 euros. Alors évidemment, c'est 40 euros. Oui, mais alors c'est au Danemark, évidemment, donc ça c'est un problème. Ouais, mais bon, faudrait voir combien de fois tu peux donner dans une journée, hein, parce que ça vaut peut-être le coup de faire le voyage. Ouais. Tu fais un petit city trip au Danemark et en même temps, ouais, c'est hop, ouais. Il est chaud. Ah bah tiens, quand j'aurai gagné mon pari, puisqu'on a fait un pari avec Audrey, le premier qui perd 8 kilos doit un city trip un week-end à l'autre, je vais peut-être aller au Danemark. À la place d'aller à Prague. D'abord, tu je vais aller au Danemark, c'est une bonne idée. T'imagines tout ce que t'auras gagné, voyage gratuit en plus là-bas. C'est ça. En plus, je suis rincé. C'est jamais, pas mal. Jamais. C'est ça, t'as les frais sur place remboursés. Exactement. Mickaël à la radio. Le replay.